dernière, mais c'est laquelle la dernière? Moi j'ai la 013. Oui, là, c'est un peu mieux que d'habitude. Ouais, c'est mieux là. C'est nettement mieux. Là, c'est nickel, il est à moins 12. Un peu plus ou un peu moins, mais ouais, d'habitude, on n'entendait pas du tout. Donc là, c'est tip top. Maintenant, la même chose avec le djembé. Ah ouais, des caps sont pourris. Ah ouais, c'est vrai, JP, tu parles vite. Bah là, y'a plus. A plus. Yeah. spagnola, non c'est un peu difficile de trouver la parole. Ah, mes coronas. Non, mais je parlais pas pour vous de ce côté-là. Bon, déjà pour vous, de ce côté, ça doit pas être terrible des fois. Mais mon fils qui est arrivé en trombe. Putain, tu vas t'enfermer! Une espèce d'enfoiré. Non mais t'imagines, parce que moi j'ai le casque sur les oreilles, lui il a pas le son de la musique, donc... D'ailleurs, comment je peux faire pour dissocier les quatre sons là, bip, JP, Phil et moi? C'est possible? Il l'est avec sa meuf. Bah, par exemple, là, voilà, on vient de faire un truc. Et admettons, si je voulais avoir chaque piste séparément, c'est possible? Tu sais, moi, Ryan Jam, c'est une usine à gaz et je pense que j'en utilise qu'un 0,5%. Oui, évidemment pas en live, mais après, si je veux récupérer par exemple chaque chose. 5, 5, 5, 5, 5. En préférence. J'avais décoché parce qu'un jour mon PC il bougeait plus, passait pour rien. J'avais une multitude de tracks dans mon truc. Ouais. La sève multitrack et la sève uncompressed. Faudrait que j'y aille parce que J'ai besoin de savoir comment utiliser Real Jam et Reaper. Déjà pour commencer. Ce n'est pas du rap, man. Je vais demander à mon fils, il a bien des paroles. Si tu veux du rap, on va t'en donner. Oh yeah, Vio, c'est pas du rap, man. On n'est pas aux États-Unis. Maintenant, si tu veux que j'essaie, trouver des paroles, c'est pas simple. Mais j'ai plus la rage. y a ton ADN d'enfant de putain sous mes marches. Mélange de Yann et de Suleyman. Je ne serai pas la cathédrale, je suis toujours sous les balles. J'fais du sale mais j'ai plus la rage. Y'a ton ADN d'enfant putain sous mes hanches. Mélange de Yann et de Suleyman. Je ne serai pas à la cathédrale, j'suis toujours sous les balles. Bye. 69 années érotiques, aux armes, etc. Ils en vendent la chance. Allez, aux armes, etc. J'aime bien, ça va. Comment elle va? Version reggae. Allons enfin. Il faudrait que je la réécoute. etc. Osa, etc. Bio, bio, bio, bio, bio, tell. Let's see. Maybe you can try to do this. Osa, etc. To play this, Monsieur Vio. Rentrez chez toi, toi. Et voilà, il est parti, il est fâché.